Donc, Inna alhamda lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc hier, on a expliqué les règles en ce qui concerne les menstruations dans le livre du Cheikh Al-Fawzan, et c'était le cours, donc aujourd'hui c'est le cours numéro 7 dans le livre de Al-Mulakhas Al-Fiqhi, hein. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va expliquer? On va expliquer les règles en ce qui concerne Al-Istihada, et on va expliquer qu'est-ce que ça signifie. Donc le Cheikh il dit Thaniyan, Al-Istihada wa ahkamuhuma. Al-Istihada wa ahkamuha. نعم. donc le cheikh il dit الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل. Le cheikh il dit que الاستحاضة c'est le fait qu'il y a un écoulement de sang en dehors de son temps, c'est-à-dire c'est pas durant le temps habituel des règles, et c'est causé par une veine ou une hémorragie ou quelque chose de ce genre. Et le cheikh il dit walistihadatu amruha mushkil l'ishtibah dam al-hayd bi dam al-istihadah fa idha kana ad-dam yanzilu minha bi istimrar aw ghalib al-waqt fama alladhi tu'tabaru aw ta'tabiruhu minhu haydan وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة فإن الاستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات. Donc le cheikh il dit que المستحاضة, la femme qui a ce problème d'écoulement de sang, c'est un problème en fait, et c'est quelque chose qui est assez compliqué parfois, parce que c'est difficile de distinguer entre le sang qui est le sang des règles, qui est habituel dans d'une personne qui a des règles normales, et le sang qui est causé à cause d'un écoulement ou d'une hémorragie ou quelque chose comme ça. Et donc ça fait en sorte que le sang est toujours en train de sortir ou de couler. Donc dans ce temps-là, soit que ça coule tout le temps ou bien soit que ça coule la plupart du temps. Et donc des fois ça peut être compliqué d'être capable de distinguer entre quand est-ce que c'est les règles et quand est-ce que c'est pas les règles, et quand est-ce que c'est juste un écoulement de sang causé par l'hémorragie ou par une veine ou quelque chose de ce genre. Donc qu'est-ce qui rend la chose compliquée, c'est qu'on sait que la femme ne peut pas jeûner et ne peut pas prier durant ses règles. Donc si on n'est pas capable de distinguer entre ces deux formes de sang là et ces deux choses différentes là, eh bien ça rend les choses compliquées pour savoir quand est-ce que la femme doit pas prier, quand est-ce qu'elle doit prier, quand est-ce qu'elle peut pas jeûner et quand est-ce qu'elle peut jeûner. Donc le cheikh il dit que al-mustahada لها أحكام الطاهرات. Donc est-ce que la femme qui a ses règles, est-ce qu'on considère qu'elle a les mêmes règles s'appliquent pour elle, est-ce qu'on considère que les mêmes règles s'appliquent pour elle que la femme qui est pure ou non? Donc Le Cheikh Naïva répond à cette question-là en expliquant un peu plus de façon détaillée. Et donc il dit بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُسْتَحَاضَ لَهَا ثَلَاثُ حَالَاتٍ. La femme qui est مُسْتَحَاضَ, c'est-à-dire qu'il y a des écoulements continuels de sang, elle a trois états ou trois situations. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة. Donc la première situation, c'est la femme qui connaît exactement sa période, ok, avant, c'est-à-dire avant qu'elle commence à avoir ce problème de d'hémorragie ou bien d'écoulement de sang continuel, elle avait déjà une période où c'est une menstruation déjà d'une période connue, ok, et c'était bien déterminé. Donc le cheikh dit بأن كانت قبل الاستحاضة تحيد خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه فتعرف عددها ووقتها. Donc par exemple, cette femme qui a ses écoulements de sang, elle savait que auparavant elle avait toujours ses règles environ 5 jours ou 8 jours par exemple, et que c'était toujours au début du mois ou bien au milieu du mois ou à la fin du mois. Donc elle sait exactement le nombre de jours et elle sait exactement à quel moment se produisent ces règles là. Donc le cheikh dit فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعتبر لها أحكام الحيض فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة. نعم. Donc le cheikh il dit, donc cette femme là qui connaît exactement le nombre de jours et la période ou la période du temps dans le mois où elle a ses règles, eh bien qu'est-ce qu'elle fait? Elle considère les jours dans lesquelles elle a ses périodes, sa période, hein, et durant ces jours-là, elle cesse de faire la prière et elle cesse de jeûner. Et elle considère pour ces jours-là comme si elle considère les règles qui s'appliquent à la femme qui a ses menstruations. D'accord? Mais lorsque ses menstruations, le jour de ses jours sont terminés, et que ses jours en temps habituel sont terminés, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lave, elle fait le ghusl et elle commence à prier et à jeûner si c'est le ramadan ou si c'est un jour de jeûne, et elle considère que le reste des jours dans lesquels elle a des écoulements de sang comme étant du sang de l'istihada ou du sang d'une veine ou de l'hémorragie, et que ce n'est pas du sang de la menstruation, d'accord? Donc le cheikh il mentionne comme preuve pour ça, il dit لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي رواه مسلم. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Aisha رضي الله عنها, dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Umm Habiba, reste, considère la période que tu avais tes règles auparavant, et par la suite tu te laves et tu fais ta prière. Hein? Donc tu détermines le nombre de jours que tes règles t'empêchaient de faire la prière auparavant, et tu considères ces jours-là, et donc durant ces jours-là tu ne fais pas la prière, tu ne fais pas le jeûne, et quand c'est terminé, quand ces jours, le nombre de jours est terminé, tu fais ton ghusl normal et tu fais ta prière. Après le cheikh il dit ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. متفق عليه. Le cheikh il mentionne également une autre preuve, et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et les mots sont de Al-Bukhari dans cette version-là. Et c'est selon Aïcha également. Et c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit à Bint Abi Hubaysh. Il lui a dit, ça c'est seulement une veine, c'est pas des menstruations. Et lorsque tes menstruations arrivent, donc laisse ta prière. Et là, donc, c'est ça, la partie du hadith qu'il a mentionné, c'était ça. Ensuite, il mentionne maintenant la deuxième situation. Il dit, Al-halatu thaniya, iza lam yakun laha adatun ma'rufa, walakin damuha mutamayyizun, ba'duhu yahmilu sifat al-hayd, bi'an yakuna aswada, aw thakhinan, aw lahu ra'iha, wa baqiyatuhu لا تحمل صفة الحيض بأن يكون أحمر وليس له رائحة ولا ثخينة. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la deuxième situation, c'est que cette femme-là, elle a, si elle n'a pas par exemple un nombre de jours connu et qu'elle ne sait pas par exemple le nombre de jours exact et elle ne sait pas non plus à quelle période du mois ça vient ses menstruations, toutefois elle est capable de distinguer entre les deux formes de sang ou les deux sortes de sang. C'est-à-dire que le sang des menstruations, il a une autre apparence ou une autre c'est-à-dire il a des caractéristiques qui fait en sorte que on est capable de le distinguer du reste des autres sangs, du sang ordinaire, hein, comme quand quelqu'un par exemple se coupe un doigt ou se coupe quelque part, donc il voit le sang qui coule, et bien ce sang-là qui coule lorsque tu te fais une blessure ou quelque chose comme ça, c'est pas la même c'est-à-dire ce sang-là, il a des caractéristiques différentes que le sang de la menstruation. Et donc le cheikh il explique, et il dit que le sang de la menstruation, parmi ses caractéristiques, c'est qu'il est noir, il est foncé, et il est thakhin, hein, épais. C'est un sang qui est épais. وَلَهُ رَائِحَ مُنْتِنَةٌ. Et il a une mauvaise odeur. Donc ça, c'est trois parmi les caractéristiques en ce qui concerne le sang des menstruations. Donc, en ce qui concerne le sang ordinaire, le sang qui n'est pas menstruation, eh bien, il est rouge et il n'a pas d'odeur et il n'est pas épais. Donc, le cheikh, il dit que si la femme est capable de distinguer lorsqu'elle a ces écoulements de sang qui sont plus foncés, qui sont plus épaisses et qui ont une odeur, et de distinguer ce sang-là du reste, c'est-à-dire des autres jours où elle a seulement un écoulement de sang qui est rouge et qui n'a pas d'odeur, et bien dans ce cas-là, le cheikh il dit فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَعْتَبِرُ الدَّمِ الَّذِي يَحْمِلُ صِفَةَ الْحَيْضِ حَيْضًا فَتَجْلِسُ وَتَضَعُ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامِ وتعتبر ما عداه استحاضة وتغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض وتصلي وتعتبر طاهرا لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. نعم دونك الشيخ التكه Lorsque elle voit, par exemple, que le sang a la caractéristique du sang des menstruations, qu'il est épais, qu'il est noir, foncé, et qu'il a une odeur, eh bien, dans ce cas-là, elle laisse la prière durant ces jours-là, et elle laisse le jeûne. D'accord? Et elle considère les règles pour la femme qui elle considère ou elle applique sur elle-même les règles en ce qui concerne la femme qui a ses menstruations ordinaires. Quand toutefois le sang, la caractéristique de ce sang-là change et que ça devient du sang qui est l'apparence rouge et qui n'a pas d'odeur, hein, et qui n'est pas épais, et dans ce cas-là elle le considère comme étant du sang ordinaire et donc elle est considérée comme étant mustahaba. Hein, comme on dit, c'est-à-dire que c'est une femme qui a des écoulements de sang, mais c'est pas considéré comme des menstruations. Ok, donc quand le sang des menstruations est terminé, eh ben là, elle peut commencer à jeûner et à prier, et elle est considérée comme étant pure à cause du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith dans lequel il dit à Fatima bint Abi Ubay bint Abi Hubaysh, si c'est le sang de la menstruation, tu peut le connaître parce qu'il est foncé et il est connu. Hein, il a des caractéristiques bien connues, comme on a mentionné tout à l'heure. Donc, quand c'est ce sang-là, le sang de la menstruation, alors cesse de faire la prière. Et quand c'est l'autre sang, alors fais ton wudu et fais la salat. Ok? Alors ça c'est rapporté par Abu Daoud al-Nasa'i et c'est authentifié par Ibn Hibban et al-Hakim. Hein? Et l'imam al-Albani il l'a déclaré Hassan Sahih dans Irwa al-Ghalil, le hadith numéro 204. Après le Cheikh dit Fafihi anna al-mustahada ta'tabiru sifat al-dam fatumayiz biha bayna al-hayd wa ghayrih. Donc, la femme qui a l'istihada, hein, elle est capable, et qui est capable de distinguer, elle utilise la distinction du sang. Et elle voit la différence entre le sang, si c'est le sang des menstruations ou si c'est le sang ordinaire. Maintenant, la troisième situation. Le Cheikh dit, إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر لأن هذه عادة غالب النساء لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش لحمنة بنت جحش إنما هي رقدة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء رواه الخمسة وصححه الترمذي. Donc, ce hadith, dans cette situation-là, c'est quoi cette situation premièrement? C'est la situation d'une femme qui ne peut pas connaître, qui ne connaît pas sa période, elle ne sait pas combien de jours, puis elle ne sait pas quand est-ce que ça vient durant le mois, et elle ne peut pas non plus distinguer entre le sang des menstruations et le sang des écoulements, hein, de l'hémorragie ou bien des écoulements. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Elle s'établit pour elle-même 6 jours ou 7 jours par mois dans lesquels elle considère qu'elle est menstruée ou qu'elle a ses menstruations. Et après ces jours-là, elle fait son ghusl et elle fait sa prière et elle fait son wudu avant chaque prière. Et ça, le cheikh, pour ça, il mentionne comme preuve le hadith de Hamna bint Jahsh qui dit que c'est seulement un coup du shaitan. Alors fais comme si tu as tes menstruations pendant 6 ou 7 jours et ensuite fais ton ghusl et lorsque tu as été nettoyé comme il faut, alors fais ta prière pendant 24 ou 23 jours et tu fais ton jeûne et tu fais ta prière normale. Et ça fait en sorte comme si tu as ce sera considéré comme si là tu as fait tes prières et tu as fait ton jeûne normal. Et ensuite qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme lorsque ces jours-là sont terminés, c'est-à-dire les 23 ou les 24 jours, et ben là tu fais comme si encore une fois tu as encore tes règles. Donc c'est comme si elle détermine cette femme-là ses jours par rapport à une détermination comme ça, un peu arbitraire. Hein. Elle décide elle-même comme si elle prend 5 ou 6 ou 7 jours parmi les jours du mois, et puis elle dit, bon là c'est mes jours de menstruation, et elle fait comme si elle a ses règles durant ces jours-là, ensuite elle fait son ghusl. Et il y a un point aussi, c'est que souvent, elle peut aussi prendre en considération les règles ou les menstruations des autres femmes qui vivent avec elle dans la maison, comme par exemple si elle vit avec sa mère ou bien si elle vit avec sa sœur ou d'autres femmes, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que les femmes, leurs règles se coordonnent, disons que quand des femmes vivent ensemble dans une même maison, elles ont souvent leurs règles en même temps. Donc, elles pourraient donc prendre en considération les jours de menstruation des autres femmes qui vivent avec elles, pour établir quand est-ce que viennent ces règles ou non. D'accord? Et ce hadith-là est rapporté par Abu Dawud, Ahmad, Al-Tirmidhi, Ibn Majah et Al-Nasa'i, et il est Hassan Sahih. C'est un hadith Hassan, na'am. Et il a été authentifié par l'imam Tirmidhi, et donc c'est un hadith Sahih. Après Hassan, après qu'est-ce qu'il dit le cheikh, il dit وَالْحَاصِلُ مِمَّا سَبَقْ أَنَّ الْمُعْتَادَ ترد إلى عادتها والمميزة ترد إلى العمل بالتمييز والفاقدة لهما تحيض ستا أو سبعا وفي هذا جمع بين السنن الثلاث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة. Donc, le cheikh, il résume tous ces trois positions-là qu'on vient d'expliquer, ces trois situations-là. Il dit, donc, la femme qui connaît sa période, elle retourne à sa période. Si elle connaît le nombre de jours et connaît le temps de quelle période, durant quel moment du mois elle a ses périodes, elle se base sur ça. L'autre qui est capable de distinguer entre un sang et l'autre, c'est-à-dire entre les menstruations et le sang qui n'est pas les menstruations, se base sur la distinction qu'elle fait, qu'elle est capable de faire. En ce qui concerne celle qui n'est pas capable de connaître le nombre de jours ni le moment du mois, et qui n'est pas capable non plus de distinguer entre un sang, le sang des menstruations et le sang des écoulements en dehors des menstruations, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait en sorte, elle considère que comme si elle est menstruée 6 ou 7 jours durant le mois, et en faisant ça, on a réuni en suivant ces trois principes-là ou ces trois cas-là, on a réussi à réunir les trois sunan, les trois formes de sunna qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne la femme qui a al-istihada, ou la femme qui a des écoulements continuels de sang. Et le cheikh il dit, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العلامات التي قيل بها ست إما العادة فإن العادة أقوى العلامات لأن الأصل مقام الحيض دون غيره وإما التمييز لأن الدم الأسود الثخين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر وإما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلى فهذه العلامات الثلاثة تدل عليها السنة بالاعتبار السنة والاعتبار. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah il dit que les signes pour savoir ou bien les règles pour savoir en ce qui concerne les menstruations sont six. Il y en a six. Et il dit que, premièrement, c'est al-ada, c'est-à-dire l'habitude. Elle connaît le nombre de jours et elle sait quand durant le mois elle a ses périodes, comme on a expliqué tout à l'heure. Et donc, elle se base sur ce principe-là, parce que à la base, c'est là-dessus que se basent les menstruations, sur l'habitude. Deuxièmement, at-tamyiz, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire la distinction entre un sang et l'autre, parce que le sang des menstruations il est noir, épais et il est malodorant, et donc c'est ce sang-là qui mérite plus d'être considéré comme étant du sang de menstruation que plutôt que le sang qui est rouge. Et également elle considère le nombre de jours ou l'habitude, bien la plupart des femmes quand elle peut pas distinguer les nombres de jours et la période du mois, et quand elle ne peut pas distinguer non plus la distinction entre les deux formes de sang, dans ce cas-là, comme on a dit tout à l'heure, elle se base sur la majorité des femmes, le nombre de jours qu'elles ont et tout ça, et puis donc c'est ça. Et puis il dit que ça c'est les trois signes hein, sur lesquels se base la sunna et la compréhension. Et puis il dit que en fait le plus fort des trois signes c'est le premier, c'est-à-dire l'habitude. Quand une femme est habituée d'avoir ses règles toujours à la même période dans le mois et d'avoir toujours le même nombre de jours et toujours à une période spécifique du mois. Donc dans ce cas-là, elle se base là-dessus et ça c'est le plus solide, elle dit. En ce qui concerne, il dit ثم ذكر بقية العلامات التي قيل بها وقال في نهاية كلامه وأصوب الأقوال الاعتبار أو اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك انتهى كلامه. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit là? Il avait dit qu'il y en a six et il a mentionné les trois premiers, puis ensuite à la fin il a dit que il a mentionné les trois autres, puis après il a dit à la fin après avoir expliqué les trois dernières qu'on n'a pas mentionnées, il dit que les plus corrects parmi ces positions là c'est de prendre en considération les trois qu'on a mentionnées, qui sont mentionnées dans la sunna, et de d'éliminer les trois dernières parce que justement elles ne sont pas mentionnées par la sunna. Donc le cheikh les a complètement ignorées. Puisque en fait elles sont pas elles sont pas rapportées dans la sunna. Donc le cheikh s'est limité à qu'est-ce qui est rapporté par la sunna. D'accord? Et donc c'est toujours ça qui est le mieux, c'est de se limiter à la sunna. Ensuite le cheikh dit ma yalzimu al-mustahaba fi hal al-hukm bi taharatihi. Qu'est-ce que la femme qui a l'istihada, qu'est-ce qu'elle doit faire, c'est quoi le hukm ou les règles en ce qui concerne la période lorsqu'elle est considérée comme étant en pureté? Qu'est-ce qu'elle fait durant les jours où elle est considérée comme étant dans sa période de pureté? Le cheikh dit yajib alayha an tartasila 'inda nihayati haydiha al-mu'tabara hasba ma sabaqa bayanu. Donc, premièrement, il est obligatoire pour elle de faire le rusul à la fin de sa période qui a été déterminée, comme on l'a expliqué précédemment. Deuxièmement, tarsilu farjaha li izalati ma alayhi min al-kharij 'inda kulli salatin wa taj'alu fil makhraj qutnan wa nahwihi yamna'u al-kharij wa tashuddu 'alayhi ma yumsikuhu min 'an as-suqut. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qu'elle fait cette femme lorsqu'elle a fait le rosol après, elle lave ses parties génitales pour enlever pour nettoyer tout le sein hein, qui peut être sorti et pour enlever tout et c'est-à-dire elle fait ça avant la prière. Hein, elle nettoie ses parties génitales pour nettoyer le sein avant chaque prière. Et elle place un morceau de coton et les tampons qu'on utilise aussi, les femmes aujourd'hui, il y a les tampons que les femmes utilisent. Ça peut aussi être utilisé pour empêcher justement que le sein se mette à couler durant la prière et que ça coule sur elle et sur ses vêtements. Donc elle place un morceau de coton, comme le cheikh explique, pour empêcher le sang de sortir. Et elle le place comme il faut, hein, elle l'installe comme il faut pour pas qu'il tombe, pour pas qu'il tombe par lui-même. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait son wudu lorsque le temps de la prière est entré. Après le cheikh dit li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fil mustahada tad'u as-salata ayyam aqra'iha thumma taghtasil wa tatawadda 'inda kulli salah rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Na'am. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit que c'est prouvé par le hadith au sujet de al-mustahada, c'est-à-dire au sujet de la femme qui a des écoulements de sang continuels. Et bien cette femme-là, elle laisse la prière durant les jours où elle a considéré qu'elle a ses menstruations et elle se lave par la suite, elle fait le rosul et avant chaque prière, elle fait un wudu. Elle fait le wudu avant chaque prière. Et ça, c'est rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et Al-Tirmidhi. Et Al-Albani, il l'a déclaré comme étant sahih. Ensuite, le cheikh dit, « قال صلى الله عليه وسلم, أنعت لك الكرسف, فإنه يذهب الدم, والكرسف القتل. » Donc, le cheikh il dit, « je te montre le coton, le kursuf, hein, tu le places pour empêcher que le sang sorte, ça enlève le sang. » Donc le coton, le morceau de coton, la femme elle met ça dans, hein, dans ses parties génitales pour empêcher que ça descende sur elle. Et le cheikh il dit, il dit que c'est permis d'utiliser les serviettes sanitaires et les trucs sanitaires que les femmes utilisent actuellement. Ensuite il dit, ثالثاً النفاس وأحكامه, en ce qui concerne les règles des femmes qui ont les écoulements après un accouchement. Hein? Après l'accouchement, le cheikh il dit, والنفاس كالحيض فيما يحل وكالاستمتاع منها بما دون الفرج وفيما يحرم كالوط في الفرج ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف وقراءة القرآن واللبس في المسجد ووجوب الغسل عند النفساء عند انقطاع دمها كالحائض. Le cheikh il dit donc que là, maintenant on a terminé d'expliquer les règles qui ont rapport avec al-mustahada, on a terminé d'expliquer ça, c'est-à-dire la femme qui a des écoulements continuels de sang à cause d'une hémorragie ou d'une veine. Et là on rentre dans un autre sujet qui est la femme qui a al-nifas, hein, on dit au pluriel nufasa, les femmes qui sont nufasa, c'est-à-dire après l'accouchement, hein, et ben il y a un nombre de jours où la femme a des écoulements de sang, et puis durant ces temps-là, durant cette période-là, les mêmes règles s'appliquent pour elle que les règles de la femme qui a ses menstruations. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas permis pour l'homme de jouir de sa femme dans ses par ses parties génitales, et donc, comme on a expliqué hier pour les règles en ce qui concerne la femme qui a ses menstruations, que un homme peut pas avoir des rapports sexuels avec elle par le vagin, mais il peut avoir des rapports sexuels avec elle, c'est-à-dire jouir avec elle de toute autre chose excepté d'avoir des rapports sexuels. Donc comme le cheikh il dit, doun al farj, en dehors des parties génitales, et ça peut être de toutes sortes de façons. C'est à la personne d'utiliser son imagination. Le cheikh dit, fima yahrumu kalwat fil farj, donc elle n'a pas le droit de, on n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec la femme durant dans ses parties génitales, et on n'a pas le droit de, la femme n'a pas le droit de jeûner, elle n'a pas le droit de faire la salat, c'est interdit de la divorcer durant cette période qu'elle a un nifas, c'est interdit pour elle de faire le tawaf et de lire le Coran. Et on a expliqué hier qu'est-ce qui se rapportait sur la question de lire le Coran. On a dit que elle pouvait le lire, mais elle peut pas toucher au mushaf. Wallahu a'lam. Après, le cheikh dit, wallubsu fil masjid, elle peut pas rester dans la mosquée. Et c'est obligatoire pour elle de faire le ghusl lorsque ses écoulements postnataux sont terminés. Hein, lorsque c'est terminé. Dans ce cas-là, elle fait son ghusl. Et, yani, lorsque le sang cesse, eh ben, elle fait son ghusl la même façon que lorsqu'elle a ses règles, d'accord. Et le cheikh dit, wajib alayha an tuqda al-siyam dun al-salah, fala taqdiha kal-ha'id. Donc, c'est obligatoire pour la femme de refaire son jeûne, ces jours de jeûne qu'elle a manqué à cause de ça, mais c'est pas obligatoire pour elle de refaire ses prières. Ses prières, elle les refait pas. Et le cheikh il dit, وَالنِّفَاس دَمٌ تَرْخِيهِ الرَّحِمُ للولادة وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل وأكثر مدته عند الجمهور 40 يوما. Donc le cheikh il dit que un nifas c'est un sang qui vient après l'accouchement et c'est yani ça vient de l'utérus et c'est le reste du sang qui a été accumulé et qui a été pris dans l'utérus durant l'accouchement ou durant la grossesse. Et il dit que selon le consensus, selon la majorité des ulama, le plus grand nombre de jours pour déterminer sa période, c'est 40 jours. D'accord? Ça, c'est la plus longue durée des nifas pour un nifas dans les paroles des ulama, selon la majorité d'entre eux. Après, il dit, قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تضع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهرة قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. Ça c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi qui dit que les savants, les ulama sont d'accord parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les tabi'in et ceux qui les ont suivis par la suite, ils sont tous d'accord, hein, ils sont tous en accord pour dire que la femme qui est nufasa, qui a des écoulements après l'accouchement, elle laisse la prière pendant 40 jours. Excepté si elle voit qu'elle est pure avant ça. C'est-à-dire, si par exemple, elle a terminé son accouchement, puis que 15 jours après ou 20 jours après ses écoulements sont terminés, eh bien là, elle est considérée comme étant pure et elle fait son rosoul et elle peut prier. C'est pas nécessaire qu'elle, par exemple, c'est pas nécessaire qu'elle attende exactement 40 jours. Hein? Aussitôt que le sang est terminé les écoulements sont terminés, elle fait son rosoul et elle commence à prier normal. الشيخ يقول فإذا انقطع دم النفساء قبل الأربعين فقد انتهى نفاسها فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس. Donc le cheikh il dit que lorsque le sang est cessé avant les 40 jours, alors son nifas est terminé et donc elle fait le rosoul et elle commence à prier et elle peut faire tout ce qu'elle ne pouvait pas faire à cause des écoulements. Ensuite, le cheikh dit وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان بأن كان فيه تخطيط صار معها دم بعد نزوله وصار معها دم بعد نزوله فلها أحكام النفساء لمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل ثلاثة أشهر غالبا وأقلها 81 يوما. أوكي. وإن ألقة أو مضغة لم يتبين فيها تخطيط إنسان لم تعتبر أو لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا فلا تترك الصلاة ولا الصيام وليست لها أحكام النفساء. Maintenant, il parle ici des cas où il y a, par exemple, une fausse couche, ou bien, par exemple, une femme, ça arrive souvent que le bébé tombe avant la fin de la création du bébé dans le ventre. Donc, le cheikh, il dit, si, par exemple, le bébé tombe si le bébé tombe et qu'on est capable de distinguer que c'est une créature humaine, et eh bien dans ce cas-là, on considère que le sang qui coule par la suite, c'est des sangs de nifas, c'est du sang de nifas, et c'est une sorte d'écoulement postnataux également. Et la période par laquelle on peut déterminer que la création de l'humain est commencée, c'est environ, en général, 3 mois, après 3 mois de grossesse. Là, on est capable de distinguer réellement les signes de la création d'un être humain. Et le plus petit nombre de jours dans lesquels on peut dire qu'il y a la création d'un être humain et que le fœtus qui tombe est considéré comme étant un être humain à partir de ce moment-là, c'est 81 jours, le nombre de jours le moins. C'est le moins de... Subhanallah. C'est 81 jours, c'est le minimum de jours pour dire qu'on considère le fœtus comme étant humain. Et le maximum, pas le maximum, mais en général, c'est 3 mois, c'est-à-dire 90 jours. Et 81 jours, c'est 2 mois et 20 jours environ. 2 mois et 20 jours. Et ça, c'est basé sur le hadith de Abdullah ibn Mas'ud qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala il réunit la création de l'être humain dans le ventre de sa mère pendant 40 jours sous la forme de alaqa, puis ensuite 40 jours sous la forme de mudra, puis etc. Donc ça veut dire que après 120 jours il y a l'ange qui vient souffler l'âme dans l'enfant et puis qui écrit sa destinée et tout ça. Donc à partir du moment, le cheikh dit, à partir du moment où on est capable de distinguer que c'est un être humain, hein, c'est-à-dire 3 mois ou 2 mois et 20 jours, à partir de ce moment-là, si la femme perd son bébé, eh bien c'est considéré comme néfaste. Et si c'est avant ça, alors elle n'est pas considérée comme étant nufasa et elle ne peut pas laisser tomber la prière. Elle continue à prier, elle continue à jeûner, normal. Mais si c'est après, c'est 20 jours, 2 mois, 20 jours, ou après 3 mois, comme on a dit tout à l'heure, là c'est considéré comme étant néfaste ou des écoulements postnataux et elle ne doit pas prier et elle fait les règles de la femme qui a ses menstruations. Donc c'est comme la femme qui est nufasa. D'accord? J'espère que c'est suffisamment clair. Je fais mon possible, hein, pour expliquer ces choses-là. C'est pas facile des fois, mais en tout cas. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Le Cheikh, il dit, tanbihun muhim. Une note importante que le Cheikh donne ici. Il dit, huna mas'alatun yajibu tanabbuh, ou tanbihu alayha. Wa hiya anna al-ba'd min al-nisa qad tatanawalu دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج. فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم مدة ولا تقطعه فلا بأس بتناولها. Donc le cheikh il dit qu'il y a un point important qui est important à mentionner, c'est que certaines femmes elles prennent des pilules pour empêcher les menstruations, pour pouvoir faire le mois de Ramadan puis pour pouvoir faire le Hajj. Le cheikh il dit que si ces pilules là ça n'empêche pas de ça, si ces pilules là empêchent le sang de venir ou les menstruations durant une période limitée et que ça ne les annule pas complètement, alors il dit il n'y a pas de problème de l'utiliser. C'est-à-dire la femme a le droit d'utiliser la pilule pour empêcher les menstruations durant le Ramadan ou durant le Hajj pour être capable de le compléter. Mais il ne faut pas que ces pilules-là stoppent les menstruations indéfiniment ou complètement. Et le cheikh dit وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدا فهذا لا يجوز. Le cheikh dit mais si ça coupe les menstruations complètement et d'une durée illimitée, eh bien dans ce cas-là c'est pas permis. إلا بإذن الزوج لأن هذا يترتب عليه قطع النسل. Il dit excepté avec la permission, il dit avec la permission du mari, parce que ça implique que ça va complètement couper la progéniture, c'est-à-dire tu ne pourras plus avoir d'enfant après. Donc, si quelque chose fait en sorte que tu ne peux plus avoir d'enfant, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Après, il dit, وَهَذِي جُمَلٌ مِنْ أَحْكَامِ الْحَيْضِ مَرَرْنَا عَلَيْهَا مُرُورًا سَرِيعًا وَتَفَاصِيلُهَا تَحْتَاجُ إِلَى وَقْتٍ طَوِيلٍ لَكِنْ يَجِبُ عَلَى مَنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا أَنْ يَسْأَلَ الْعُلَمَاءَ فَسَيَجِدُ عِنْدَهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا يُزِيلُ إِشْكَالَهُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ. Donc le cheikh, il dit quoi? Il dit que ces explications-là qu'on a données au sujet des règles de la menstruation, des menstruations et de l'istihada et des nifas, il dit on a passé par-dessus très rapidement. Et toutefois, il y a des détails et des choses plus spécifiques qui peuvent prendre vraiment beaucoup de temps à expliquer. Toutefois, s'il y a quelqu'un qui a une chose qu'il a de la difficulté à comprendre ou quelque chose de ce genre, alors le cheikh il dit que dans ce cas-là, il doit retourner aux ulama pour leur poser les questions qui sont difficiles pour lui de comprendre. Et le cheikh il dit, et c'est certain que inshallah il va trouver chez les ulama l'explication qui va clarifier pour lui les choses qui lui ont causé de la difficulté à comprendre. Wabillah et tawfiq. Donc ça vient conclure le chapitre de At-Tahara aujourd'hui. Donc ça vient terminer la section dans laquelle on a parlé de l'obligation de se purifier et puis toutes les règles en ce qui concerne la purification. Et on va donc s'arrêter ici. Et puis la semaine prochaine, inshallah, on va commencer à expliquer le chapitre de la prière, Kitab al-Salah, et on va rentrer en détail dans toutes les règles de qu'est-ce qui concerne la salat dans le Coran et dans la Sunna, et avec l'explication des ulama au sujet de ces choses-là. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وجزاكم الله خيراً.